Section 2. Au moment que paraît Ninon, se lève un nouvel astre, Madame Scarron. Elle demeurait, avec son mari, vers la rue du Mouton. Scarron, étant au Mans, s'était enduit de miel et roulé dans un tas de plumes. Il avait jouté dans les rues en façon de coq. Tout cul-de-jatte qu'il était, il épousa Mademoiselle d'Aubigné, belle et pauvre, née dans les prisons de la conciergerie de Niort, élevée au château Trompette où Agrippa d'Aubigné avait été transférée. Elle revenait d'Amérique. Son père, Agrippa, y avait passé. L'amiral de Coligny avait voulu autrefois, dans les Florides, fonder une colonie. Selon ce gré, Mademoiselle d'Aubigné fut recherchée dans son enfance par un serpent. Alexandre est au fond de toute l'histoire. Retiré chez Madame de Villette, calviniste, et chez Madame de Neuillan, avare, Madame de Maintenon commandait dans la basse-cour. Ce fut par ce gouvernement que commença son règne. L'auteur du roman comique produisit sa femme à l'aide du chevalier de Méret, qui appelait la femme de son joyeux ami sa jeune indienne. Madame Scarron éleva d'abord les bâtards de Louis XIV et de Madame de Montespan dans une maison isolée au milieu de la plaine de Vaugirard, ce qui lui fournit occasion de voir seule Louis XIV. Elle trouva une route à travers les habitudes du roi, elle lui donnait les plaisirs de l'indépendance et ceux de la retenue. Par cette route, elle arriva à devenir la femme de Louis XIV. Scarron fut chargé de la sorte d'une grande destinée. Les nègres nourrissent pour leur maître ces élégantes créatures du désert qui ont le cou si long et si beau. Au centre de la société commençaient les fêtes des Tuileries, bals, comédies, promenades en calèche. Les différents jardins de Fontainebleau paraissaient des jardins enchantés, et comme on disait, les déserts des Champs-Élysées. Louis XIV suivait alors Madame, Henriette d'Angleterre, qui épousa Monsieur. Plaisir le jour, promenades et repas jusqu'à 2 ou 3 heures après minuit dans les bois avaient lieu, selon Madame de Motteville, d'une manière qui avait un air plus que galant. Mademoiselle de Montpensier raconte que l'on fut une fois 3 jours à accommoder sa parure. Sa robe était chamarrée de diamants avec des houppes incarnates, blanches et noires. La reine d'Angleterre avait prêté une partie de ses diamants. Mademoiselle, qui se vantait de sa belle taille, de sa blancheur et de l'éclat de ses cheveux blonds, était laide. Elle avait les dents noires, ce dont elle s'enorgueillissait comme d'une preuve de sa descendance. Sous le cardinal de Richelieu, Mademoiselle avait déjà paru dans le ballet du Triomphe de la beauté. Elle représentait la perfection. Mademoiselle de Bourbon, l'admiration. Mademoiselle de Vendôme, la victoire. Les contrastes assaisonnaient ses joies. Mademoiselle, pendant la fronde, après avoir saisi Orléans pour monsieur, traversait le petit pont à Paris. Son carrosse s'accroche à la charrette que l'on menait toutes les nuits, pleine de morts. Elle ne fit que changer de portière, de crainte que quelques pieds ou mains ne lui donnassent par le nez. Durant cette révolution, on vivait dans la rue comme en 1792. Mademoiselle fit une visite à Port-Royal. Elle projetait d'avoir dans son désert un couvent de carmélites. Le cardinal de Retz était partout, prenant femme de toutes mains. Il fréquentait l'hôtel de Chevreuse. Mademoiselle de Chevreuse traitait ce qu'elle aimait comme ses jupes qu'elle mettait dans son lit quand elle lui plaisait, et qu'elle brûlait par une pure aversion 2 jours après. Enfin, au Marais et dans l'île Saint-Louis, demeuraient Lamoignon et Daxot, graves magistrats. On en égalisait le poids dans leur jeunesse avec un pain, lorsqu'une grosse cavale les portait l'un vis-à-vis de l'autre dans 2 paniers. Henri III aimait à surprendre ses compagnies retirées et s'asseyait au milieu d'elles sur un bahut. Société depuis longtemps évanouie, combien d'autres vous ont succédé? Les danses s'établissent sur la poussière des morts, et les tombeaux poussent sous les pas de la joie. Nous rions et nous chantons sur les lieux arrosés du sang de nos amis. Où sont aujourd'hui les maux d'hier? Où seront demain les félicités d'aujourd'hui? Quelle importance pourrions-nous attacher aux choses de ce monde? L'amitié, elle disparaît quand celui qui est aimé tombe dans le malheur, ou quand celui qui aime devient puissant. L'amour, il est trompé, fugitif ou coupable. La renommée, vous la partagez avec la médiocrité ou le crime. La fortune, pourrait-on compter comme un bien cette frivolité? restent ces jours dits heureux qui coulent, ignorés dans l'obscurité des soins domestiques, et qui ne laissent à l'homme ni l'envie de perdre, ni de recommencer la vie. Rancé avait l'entrée des salons que je viens de peindre par ses amis de la Fronde, personnage dont nous le verrons porter des lettres de recommandation à Rome. Le cardinal de Retz le logea chez lui, près du Vatican. Champvallon, archevêque de Paris, était son familier. Champvallon avait l'habileté et l'audace des Cenci. Il agréait à Louis XIV. On croit que le prince le choisit pour la célébration de son mariage avec Madame de Maintenon. Celle-ci expia son ambition en osant écrire qu'elle s'ennuyait d'un roi qui n'était plus amusable. Champvallon contraria Bossuet dans l'Assemblée du clergé en 1682. La mort de cet archevêque fut honteuse, à Conflans, qu'il avait acheté et qui est resté à l'archevêché de Paris. Rancé était encore le compagnon de Châteauneuf et de Montrésor, petit-fils de Brantôme. Il chassait, avec le duc de Beaufort. Enfin, il tenait à tous ces êtres futiles par les familiers de l'hôtel de Montbazon, où sa liaison avec la duchesse de Montbazon l'avait introduit. Au sortir de la Fronde, l'abbé Le Boutillier résidait tantôt à Paris, tantôt à Véretz, terre de son patrimoine et l'une des plus agréables des environs de Tours. Il embellissait chaque année sa châtellenie. Il y perdait ses jours à la manière de saint Jérôme et de saint Augustin, comme quand, dans les oisivetés de ma jeunesse, je les conduisis sur les flots du golfe de Naples. Rancé inventait des plaisirs. Ses fêtes étaient brillantes, ses festins somptueux. Il rêvait de délices et il ne pouvait arriver à ce qu'il cherchait. Un jour, avec trois gentilshommes de son âge, il résolut d'entreprendre un voyage à l'imitation des chevaliers de la Table Ronde. Ils firent une bourse en commun et se préparèrent à courir les aventures. Le projet s'en alla en fumée. Il n'y avait pas loin de ses rêves de la jeunesse aux réalités de la trappe. Ainsi que Catherine de Médicis, dont on voit encore la tour des sortilèges accolée à la rotonde du marché au blé, Rancé donna dans l'astrologie. Le fond de religion qu'il avait reçu de son éducation chrétienne combattait ses superstitions. Les avertissements qu'il croyait recevoir des astres tournaient au profit de sa conversion future. De même que les anciens observateurs des révolutions sidérales, il connaissait les montagnes de la Lune avant que les montagnes de la Terre lui fussent connues. Un jour, derrière Notre-Dame, à la pointe de l'île, il abattait des oiseaux. D'autres chasseurs tirèrent sur lui du bord opposé de la rivière. Il fut frappé, il ne dut la vie qu'à la chaîne d'acier de sa gypsière. « Que serais-je devenu, dit-il, si Dieu m'avait appelé dans ce moment ?» Une autre fois à Véretz, il entend des chasseurs dans les avenues de son château. Il court, tombe au milieu d'une troupe d'officiers, à la tête desquels était un gentilhomme renommé par ses duels. Rancé s'élance sur le délinquant et le désarme. « Il faut, disait après le braconnier noble, que le ciel ait protégé Rancé, car je ne puis comprendre ce qui m'a empêché de le tuer. » On trouve une autre version de cette aventure. Rancé à cheval fut couché en joue par des chasseurs. Il n'était accompagné que d'un jockey, qu'on appelait alors un petit laquais. Il se jette dans la bande, la fait reculer et la force à lui demander des excuses. Avant qu'il eût pris sa route en bas, son ambition le poussait à monter. Tonsuré, le 21 décembre 1635, bachelier en théologie en 1647, licencié en 1649, il reçut en 1653 le bonnet de docteur de la faculté de Navarre. Dès 1650, l'archevêque de Tours, dans l'église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, lui avait conféré à la fois les quatre mineurs, le sous-diaconat et le diaconat. Quelques mois après, le 22 janvier 1651, il fut ordonné prêtre. L'imposition des mains étant faite, il ne restait plus qu'à passer à une cérémonie redoutable. J'ai entendu, au pied des Alpes vénitiennes, carillonner la nuit en l'honneur d'un pauvre lévite qui devait dire sa première messe le lendemain. Pour Rancé, les ornements et les vêtements préparés à la lumière du jour étaient magnifiques. Mais soit qu'il fût saisi des terreurs du ciel, soit qu'il regardât comme des licences sacrilèges celles qu'il avait obtenues, soit qu'il ressentît cette épouvante qui saisissait un trop jeune coupable quand la Rome païenne lui délivrait des dispenses d'âge pour mourir, Rancé s'alla cacher au Chartreux. Dieu seul le vit à l'autel. le futur habitant du désert consacra sur la montagne, à l'orient de Jérusalem, les prémices de sa solitude. Ce que le monde appelle les belles passions, dit un des historiens de Rancé, occupait son cœur. Les plaisirs le cherchaient et il ne les fuyait pas. Jamais homme n'eut les mains plus nettes, n'aima mieux à donner et moins à prendre. L'abbé Marsollier, dont je rapporte les paroles, était chargé d'écrire la vie du réformateur par les ordres du roi et de la reine d'Angleterre. Les injonctions de ses majestés tombées impriment à l'expression du serviteur de Dieu ce quelque chose de tempérant et de grave qu'inspire l'infortune dans les hauts rangs. Mazarin n'aimait pas les hommes qui sortaient de la fronde. Il aimait encore moins les protégés de son devancier et s'opposait à l'avancement de Rancé. Rancé lui-même ne se prêtait pas à cet avancement quand il n'y trouvait pas sa convenance. Peu de temps après avoir reçu la prêtrise, il refusa l'évêché de Léon. Il n'en trouvait pas le revenu assez considérable et la Bretagne était trop loin de la cour. Don Gervaise raconte que la chasse était un de ses amusements favoris. « On l'a vu plus d'une fois, dit-il, après avoir chassé 3 ou 4 heures le matin, venir le même jour en poste de 12 ou 15 lieues, soutenir une thèse en Sorbonne, ou prêcher à Paris avec autant de tranquillité d'esprit que s'il fût sorti de son cabinet. Champvallon, l'ayant rencontré dans les rues, lui dit « Où vas-tu, l'abbé? Que fais-tu aujourd'hui ?»« Ce matin, répondit-il, prêcher comme un ange, et ce soir, chasser comme un diable. » L'abbé de Marolles, dans ses mémoires, cite Rancé. « Cet abbé, dit-il, de qui l'humeur est si douce et l'esprit si éclairé, s'il avait plu au roi de le nommer coadjuteur de M. l'archevêque de Tours, son oncle en eût été ravi, autant pour les avantages de son diocèse que pour l'honneur de sa famille. L'archevêque crut d'abord, continue Marolles, que ce n'était de ma part que pure civilité. Mais comme il connut que j'y prenais quelque sorte d'intérêt pour les grandes espérances que je concevais de la capacité de l'abbé de Rancé, il me remercia. La mère de l'abbé de Marolles, dont il est ici question, allait à la messe dans un chariot mené par 4 chevaux blancs pris sur les Turcs, en Hongrie. Elle portait son fils à une fontaine qui coulait au travers d'une saulaie. Marolles mériterait que l'on parlât de lui, n'eût-il composé que ses vers, on ne voit pas qu'il puisse être du Marolles auteur des observations sur le Roland furieux. Que de plaisir de voir 2 colombelles, bec contre bec, en agitant leurs ailes, 1000 baisers se donner tour à tour, puis, tout ravis de leur grâce naïve, dormir auprès d'une source d'eau vive dont le doux bruit semble parler d'amour. L'inclination militaire de Rancé le poussait dans les lieux d'escrime. Quand il parvenait à faire sauter le fleuret d'un prévôt d'armes, rien n'égalait sa joie. L'habit de fantaisie de celui qui devait revêtir la bure était un justaucorps violet d'une étoffe précieuse. Il portait une chevelure longue et frisée, 2 émeraudes à ses manchettes, un diamant de prix à son doigt. À la campagne ou à la chasse, on ne voyait sur lui aucune marque des autels. Il avoua, continue Gervaise, l'épée au côté, 2 pistolets à l'arçon de sa selle, un habit couleur de biche, une cravate de taffetas noir ou pendois, une broderie d'or. Si, dans les compagnies plus sérieuses qui le venoient voir, il prenoit un justaucorps de velours noir avec des boutons d'or, il croya beaucoup faire et se mettre régulièrement. Pour la messe, il a 10 oies peu. Il reste quelques pages de Rancé intitulées « Mémoire des dangers que j'ai courus devant ma vie et dont je n'ai été préservé que par la bonté de Dieu. À l'âge de 4 ans, dit l'auteur du Memento, je fus attaqué d'une hydropisie de laquelle je ne guéris que contre le sentiment de tout le monde. À l'âge de 14 ans, j'eus la petite vérole. Une fois, en essayant un cheval dans une cour, l'ayant poussé plusieurs fois et arrêté devant la porte d'une écurie, le cheval m'emporta. Et comme l'écurie était retranchée, il passa 2 portes. Ce fut une espèce de miracle que cela se put faire sans me tuer. Suit 5 à 6 autres accidents de chevaux. Ils font honneur au courage et à la présence d'esprit de Rancé. J'ai vu des brouillons de la jeunesse de Bonaparte. Il jalonnait le chemin de la gloire comme Rancé le chemin du ciel. Ces dangers auxquels le hasard exposait Rancé frappèrent un esprit sérieux chez qui des réflexions graves commençaient à naître. En s'attachant à une femme qui avait déjà franchi la première jeunesse, Rancé aurait dû s'apercevoir que la voyageuse avait achevé avant lui une partie de la route. Le duc de Montbazon présidait un jour un assaut scolastique dans lequel l'abbé de Rancé était rudement mené. Fatigué des criailleries, le vieux duc se lève, s'avance au milieu de la salle en faisant jouer sa canne comme pour séparer des chiens et dit en latin à Rancé « Contra verbosos, verbis nedimices ultra ». Montbazon, mort en 1644, à l'âge de 86 ans, était né en 1558 sous Henri II. Il avait vu passer la Ligue et la Fronde. Était-il dans la voiture de Henri IV lorsque celui-ci fut assassiné ? Le duc de Montbazon, corrompu par son temps, faisait confidence à sa femme de ses infidélités octogénaires. Devenu amoureux d'une joueuse de luth, il se prit de querelle avec la musicienne et la voulut jeter par la fenêtre. La force manqua à sa vengeance. Il retomba sur son lit, près du volage fardeau, que ne put soulever ni son bras ni sa conscience. C'était à cette école qu'il endoctrinait sa femme, âgée de 16 ans, fille aînée de Claude de Bretagne, comte de Vertu, et de Catherine Fouquet de la Varenne. Le comte de Vertu avait fait tuer chez lui, au château de Chantois, Saint-Germain-l'Atroche, amant de sa femme. La duchesse de Montbazon était religieuse lorsqu'elle épousa son mari. Le duc l'appelait sa religieuse. Il écrivait à la reine-mère qu'il savait bien de quoi son âge le menaçait, mais que les bons exemples de sa majesté retiendraient sa femme dans les bornes du devoir. Il avait fait bâtir à 10 lieues de Paris un château plein de tourelles et orné de cornes. Il montrait ce chef-d'œuvre aux curieux et ajoutait en se frappant le front « J'ai trouvé ça dans ma tête !» Tandis qu'avec Bassompierre, sorti de la Bastille, il s'entretenait du passé, la duchesse de Montbazon s'occupait du présent. Elle disait qu'à 30 ans, on n'était bonne à rien et qu'elle voulait qu'on la jetât dans la rivière quand elle aurait atteint cet âge. Hercule de Rohan, gouverneur de Paris, était veuf lorsqu'il épousa la fille du comte de Vertu. Il avait plusieurs enfants d'un autre lit, entre autres la duchesse de Chevreuse. De sorte que Madame la duchesse de Montbazon était belle-mère de la duchesse de Chevreuse, quoique infiniment plus jeune que sa belle-fille. Talmand des Réaux assure que Madame de Montbazon était une des plus belles personnes qu'on pût voir. À 35 ans, elle défaisait toutes les autres au bal. Le duc de Montbazon et le Boutillier, le père, étaient liés. Nous venons de voir comment le vieux duc vint au secours du fils dans un assaut scolastique. Rancé, caressé dans la maison du duc, fut élevé sous les yeux de la jeune duchesse. Il résulta de ce rapprochement une liaison. Le duc mourut en 1644. Sa femme avait alors 32 ans et ne paraissait pas en avoir plus de 20. Les relations de Madame de Montbazon et de Rancé continuèrent. Elles ne furent troublées qu'en 1657 par un accident. La duchesse se pensa noyée en traversant un pont qui se rompit sous elle. Le bruit de sa mort se répandit. On lui fit cette épitaphe. Sigi Olympe, à ce qu'on dit, s'il n'est pas vrai, comme on souhaite, son épitaphe est toujours faite. On ne sait qui meurt ni qui vit. Marie de Montbazon devint célèbre. On la trouve dans toutes les libelles du temps. Aimée du prince de Condé, l'inconstante amie de Rancé fut souvent la rivale heureuse de Madame de Longueville. Le duc de Beaufort était le serviteur de Madame de Montbazon. On ne se pouvait ouvrir à lui d'aucun secret important à cause de la duchesse, qui n'avait point de discrétion. Elle eut une excuse à faire à Madame de Longueville au sujet de 2 billets de Madame de Foucrolles, adressés au comte de Molvrier et qui étaient tombés de la poche de celui-ci. Madame de Montbazon les trouva, prétendit qu'ils étaient de Madame de Longueville et qu'il regardait Coligny. Madame de Montbazon les commenta avec toutes sortes de railleries. Cela fut rapporté à Madame de Longueville qui devint furieuse. La cour se divisa. Les importants prirent le parti de Madame de Montbazon et la reine se rangea du parti de Madame de Longueville, sœur du duc d'Enghien, dernièrement vainqueur à Rocroi. Les importants étaient un parti composé de 4 ou 5 mélancoliques qui avaient l'air de penser creux. Retz. C'était Madame de Cornuel qui les avait ainsi nommés, parce qu'ils terminaient leur discours par ces mots je m'en vais pour une affaire d'importance. » Le duc de Beaufort, le héros des Halles, leur donnait une certaine renommée vaille que vaille. Il avait tué le duc de Nemours, pleuré des hommes en public et des femmes en secret, dit Benserade. Le cardinal Mazarin convertit des tracasseries de femmes en une affaire d'État. Madame de Longueville exigeait une réparation, et Condé appuyait sa sœur. Madame de Montbazon refusait toute satisfaction, et le duc de Beaufort la soutenait. « Durant que j'étais à Vincennes, dit mademoiselle de Scudéry, vint mademoiselle de Montbazon avec monsieur de Beaufort. Il lui faisait voir toutes les incommodités de ce logement, triomphant lâchement du malheur d'un prince qu'il n'oserait regarder qu'en tremblant s'il était en liberté. Mademoiselle de Scudéry se souvient trop qu'elle a fait un beau quatrain sur la prison du Grand Condé. Le duc de Beaufort osait regarder tout le monde en face. Il avait même insulté Condé, et l'avantage de la branche bâtarde était resté aux illégitimes sur la branche cadette des légitimes. Après maintes allées et venues pour concilier Madame de Longueville et Madame de Montbazon, on convint, d'après l'avis d'Anne d'Autriche et de Mazarin, des excuses que Madame de Montbazon aurait à faire à Madame de Longueville. Ces excuses furent écrites dans un billet attaché à l'éventail de Madame de Montbazon. Madame de Montbazon, fort parée, entra dans la chambre de la princesse, elle lut le petit papier attaché à son éventail. « Madame, je viens vous protester que je suis très innocente de la méchanceté dont on m'a voulu accuser. Il n'y a aucune personne d'honneur qui puisse dire une calomnie pareille. Si j'avois fait une faute de cette nature, j'aurois subi les peines que la reine m'aurait imposées. Et je ne me serois jamais montrée dans le monde, et vous en aurois demandé pardon. Je vous supplie de croire que je ne manquerai jamais au respect que je vous dois et à l'opinion que j'ai de la vertu et du mérite de Madame de Longueville. » La princesse répondit, « Madame, je crois très volontiers à l'assurance que vous me donnez de n'avoir nulle part à la méchanceté que l'on a publiée. Je défère trop au commandement que la reine m'en a fait. » Madame de Montbazon prononça le billet, dit Madame de Motteville, de la manière du monde la plus fière et la plus haute, faisant une mine qui semblait dire « Je me moque de ce que je dis. » Les deux dames se retrouvèrent dans le jardin du Renard, au bout du jardin des Tuileries. Madame de Longueville déclara qu'elle n'accepterait point la collation si sa rivale demeurait. Madame de Montbazon refusa de s'en aller. Le lendemain, Madame de Montbazon reçut un ordre du roi de se retirer dans une de ses maisons de campagne. Il y eut un duel entre M. de Guise et M. de Coligny, suite du démêlé. Enfin, Montbazon a changé de maison, voulant à ce prix s'approcher de Paris. Mais l'argent qu'elle a pris aigrit nos esprits. Dans une chanson sur l'air « Réveillez-vous, belle endormie », on donne à Madame de Montbazon la Feuillade, Barbezieux, la Maillerée, Vasnard et le comte d'Evreux. On trouvera mille autres turpitudes dans le recueil de Maurepas. C'était alors les libertés de la France. La hardiesse de Madame de Montbazon égalait la facilité de sa vie. Le cardinal de Retz, qui lâchait indifféremment des apophthegmes de morale et des maximes de mauvais lieu, écrivait ses mémoires lorsqu'on croyait qu'il pleurait ses péchés. Il disait de Madame de Montbazon qu'il n'avait jamais vu personne qui eût montré dans le vice si peu de respect pour la vertu. Quoique grande, les contemporains trouvaient qu'elle ressemblait à une statue antique, peut-être à celle de Frinet. Mais la Frinet française n'eut pas proposé, ainsi que la Frinet de Thespy, de faire rebâtir Thèbes à ses frais, pourvu qu'il lui fût permis de mettre son souvenir en opposition au souvenir d'Alexandre. Madame de Montbazon préférait, on vient de le voir dans les chansons, l'argent à tout. L'avarice refroidissait ses voluptés sans les arrêter. Rouville et Bullion négocièrent avec elle pour 500 écus bourgeois. Bullion est fort chansonné dans les recueils du temps. Il avait établi le sou pour livre. En jouant sur les mots, on disait dans un détestable quatrain « La mort a pris deux hommes au corps. L'un était sou, l'autre était ivre. Ainsi, au royaume des morts, on a passé le sou pour livre. » D'Aucuncourt, ayant fait révolter Péronne, écrivait à Madame de Montbazon « Péronne est à la belle des belles. » Il disait je ne sais plus que faire pour gagner madame de Montbazon. Si je la battais un peu. » Ayant gagné une femme de chambre, il se cacha sous le lit de la duchesse. Il ne fut pas aussi malheureux que Chastelard, fils naturel de Bayard, sans peur, non sans reproche. Chastelard fut décapité pour s'être caché en Écosse sous le lit de Marie Stuart. Il avait fait une romance sur sa reine aimée. Lieu solitaire et mon secret, qui seul sont secrétaires de mes piteux regrets. Le vieux duc de Montbazon, arrivé dans la chambre de la jeune duchesse, sa femme, de petits chiens aboyèrent et découvrirent d'aucun cours. Il s'en tira facilement avec un octogénaire, lequel, ayant lu que Saint-Paul était un vaisseau d'élection, croyait que le saint voyageait dans un grand navire, nommé Élection, et il disait à la reine, « Madame, laissez-moi aller, ma femme m'attend. Dès qu'elle entend un cheval, elle croit que c'est moi. » Le cardinal de Retz, rapportant une conversation qu'il avait eue avec madame de Montbazon relative à des défaillances du duc de Beaufort, dit « J'étais accoutumé à ses discours, mais je ne l'étais pas à ses douceurs. Elle était fort belle. Je proposai d'entrer dans le cabinet. On me proposa pour préalable d'aller à Péronne. Ainsi finirent nos amours. » Il y aurait de l'injustice à ne pas placer en regard de ce tableau un pendant tracé d'une main plus amie. C'est un religieux qui tient le pinceau. Dès que la jeune duchesse de Montbazon parut à la cour, elle effaça par sa beauté toutes celles qui s'en piquaient. Tant que son mari vécut, sa sagesse et sa vertu ne furent jamais suspectes. Se voyant affranchie du joug du mariage, elle se donna un peu plus de liberté. L'abbé de Rancé, alors âgé de 19 à 20 ans, était déjà de l'hôtel de Montbazon. Il eut le don de plaire à la duchesse, et elle en sut faire une grande différence avec tous ceux qui fréquentaient sa maison. Monsieur de Rancé, le père étant mort, son fils, l'abbé, devenu le chef de sa maison à l'âge de 26 ans, le prit d'un grand vol. Il parut dans le monde avec plus d'éclat qu'il n'avait jamais fait. Un plus gros train, un plus bel équipage, 8 chevaux de carrosse des plus beaux et des mieux entretenus, une livrée des plus lestes, sa table à proportion. Ses assiduités auprès de madame de Montbazon augmentèrent. Il passait souvent les nuits au jeu ou avec elle. Elle s'en servait pour ses affaires. Une jeune veuve a besoin de ce secours. Cette familiarité fit bien des jaloux. On en pensa et l'on en dit tout ce qu'on voulut, peut-être trop. Il est vrai que, de tous ceux qui firent leur cour à madame de Montbazon, l'abbé de Rancé fut celui qui eut le plus de part à son amitié. Aussi c'était un ami véritable et effectif. Il sut en plusieurs occasions lui rendre des services très considérables. La reconnaissance exigeait de cette dame toutes ses distinctions. Au reste, ils gardaient toujours de grands dehors. Ils évitaient même de monter ensemble dans le même carrosse. Et, pendant plus de 10 ans qu'a duré leur commerce, on ne les y a jamais vus qu'une fois. Encore étaient-ils si bien accompagnés qu'on ne pouvait s'en formaliser. Ainsi, il y a quelque apparence que l'esprit avait plus de part à cette amitié que la chair. La reine Christine de Suède avait envoyé en France, en qualité d'ambassadeur, le comte de Thau. Il s'était adressé à M. Ménage pour voir ce qu'il y avait de plus considérable à la cour et lui demanda enfin si, par son moyen, il ne pourrait pas voir madame de Montbazon, dont il avait entendu dire tant de bien. M. Ménage, qui, en qualité de bel esprit, avait accès auprès de cette dame, fut la trouver et lui dit que l'ambassadeur de Suède, ayant vu tout ce qu'il y avait de plus beau à Paris, croyait n'avoir rien vu s'il n'avait l'honneur de voir la plus belle personne du monde, qu'il lui demandait la permission de l'amener chez elle. « Qu'il vienne après-demain, répondit la duchesse, et qu'il se tienne ferme, je serai sous les armes. » Tel est le récit de Don Gervaise. Madame de Montbazon ne vint point au rendez-vous. Déjà atteinte de la maladie qui l'emporta, elle ne parut sous les armes que devant la mort. Malgré la dissimulation du peintre, on aperçoit le défaut principal de madame de Montbazon et le parti qu'elle savait tirer de son ami véritable et effectif. Heureusement, des femmes moins titrées rachetaient par leur désintéressement la rapacité des privilégiés de tabouret. Renée de Rieux, autrement la belle Châteauneuf, aimée de Henri III, fut mariée 2 fois. Elle épousa d'abord Antinotti, qu'elle poignarda pour cause d'infidélité. Ensuite, Altoviti de Castellane, qui fut tué par le grand prieur de France. Altoviti eut le temps, avant d'expirer, d'enfoncer un stylet dans le ventre du grand prieur. Ces assassinats de l'aristocratie ne furent point punis. Ils étaient alors du droit commun. On ne les châtiait que dans les vilains. La belle Châteauneuf accoucha en Provence d'une fille qui fut tenue sur les fonds du baptême par la ville de Marseille. Puis René de Rieux disparaît. Sa fille, Marcel de Castellane, fut laissée sur la grève de Notre-Dame de la Garde comme une alouette de mer. Ce fut là que le duc de Guise, fils du Balafré, la rencontra. Il n'était pas beau, ainsi que son grand-père tué à Orléans, ou son père assassiné à Blois. Mais il était hardi. Il s'était emparé de Marseille pour Henri IV, et il portait le nom de Guise. Marcel de Castellane lui plut, elle-même se laissa prendre d'amour. Sa pâleur, étendue comme une première couche sous la blancheur de son teint, lui donnait un caractère de passion. À travers ce double lys transpiraient à peine les roses de la jeune fille. Elle avait de longs yeux bleus, héritage de sa mère. Des portes, le tibule du temps, avait célébré les cheveux de René dans les amours de Diane. Des portes chantaient pour Henri III, qui n'avait pas le talent de Charles IX. Beaux nœuds crêpés et blonds, nonchalamment épars, mon cœur plus que mon bras est par vous enchaîné. Marcel dansait avec grâce et chantait à ravir. Mais élevée avec les flots, elle était indépendante. Elle s'aperçut que le duc de Guise commençait à se lasser d'elle. Au lieu de se plaindre, elle se retira. L'effort était grand. Elle tomba malade et comme elle était pauvre, elle fut obligée de vendre ses bijoux. Elle renvoya avec dédain l'argent que lui faisait offrir le prince de Lorraine. « Je n'ai que quelques jours à vivre, » dit-elle. « Le peu que j'ai me suffit. Je ne reçois rien de personne, encore moins de Monsieur de Guise que d'un autre. » Les jeunes filles de la Bretagne se laissent noyer sur les grèves, après s'être attachées aux algues d'un rocher. Les calculs de Marcel étaient justes. On ne lui trouva rien. Elle avait compté exactement ses heures sur ses oboles. Elles s'épuisèrent ensemble. La ville, sa marraine, la fit enterrer. 30 ans après, en fouillant le pavé d'une chapelle, on s'aperçut que Marcel n'avait point été atteinte du cercueil. La noblesse de ses sentiments semblait avoir empêché la corruption d'approcher d'elle, comme le ciel embaume le corps de ceux qu'il s'est réservé. Lorsque le duc de Guise partit pour la cour, Marcel, qui possédait deux lyres, composa l'air et les rimes de quelques couplets. Ils furent entendus au bord de cette mer de la Grèce d'où nous viennent tant de parfums. Il s'en va, ce cruel vainqueur, il s'en va, plein de gloire, il s'en va, méprisant mon cœur, sa plus noble victoire. Et malgré toute sa rigueur, j'en garde la mémoire, je m'imagine qu'il prendra une nouvelle amante. Paroles de poésie et de langueur, voix d'un rêve oublié, chagrin d'un songe. On pouvait facilement s'imaginer que Madame de Montbazon prendrait le nouvel amant dont le trésor tenterait ses belles et infidèles mains. Madame de Montbazon fut l'objet de la passion de Rancé jusqu'au jour où il vit flotter un cilice parmi les nuages de la jeunesse. Tandis que je m'entretiens de ces choses criminelles, dit un anachorète, les abeilles volent le long des ruisseaux pour ramasser le miel si doux à ma langue qui prononce tant de paroles injustes. D'après l'idée qu'on s'est formée généralement de Rancé, on ne verra pas sans étonnement ce tableau de sa première vie. On ne peut douter de ses faits, puisqu'ils sont racontés par le nain lui-même, prieur de la Trappe, ami de Rancé. Il a resserré ses faits en peu de mots. Une jeunesse passée dans les amusements de la cour, dans les vaines recherches des sciences, même damnables, après s'être engagé dans l'état ecclésiastique sans autre vocation que son ambition qui le portait avec une espèce de fureur et d'aveuglement aux premières dignités de l'Église. Cet homme, tout plongé dans l'amour du monde, est ordonné prêtre, et celui qui avait oublié le chemin du ciel est reçu docteur de Sorbonne. Voilà quelle fut la vie de Monsieur le Boutillier jusqu'à l'âge de 30 ans. Toujours dans les festins, toujours dans les compagnies, dans le jeu, les divertissements de la promenade ou de la chasse. C'est ce qu'en a dit, 200 ans après, le cardinal de Beausset. l'archevêque de Tours, l'ambitieux principal de sa famille, n'ayant pu obtenir son neveu Rancé pour coadjuteur, le fit nommer en qualité d'archidiacre de Tours, député à l'Assemblée du clergé en 1645. En même temps, l'archevêque donna sa démission de premier aumônier du duc d'Orléans après avoir obtenu de Gaston que l'abbé Le Boutillier serait pourvu de cette charge. L'Assemblée du clergé dura 2 ans. Rancé ne s'y montra que la première année. Il y resserra les liens qui l'unissaient au cardinal de Retz, capable à lui seul d'empoisonner les plus heureuses natures. Il parla en faveur de son ami. Mazarin disait, si l'on voulait croire l'abbé de Rancé, il faudrait aller avec la croix et la bannière au-devant du cardinal de Retz. Rancé augmenta sa réputation dans cette assemblée en venant au secours de François de Harlay, archevêque de Rouen, depuis archevêque de Paris. Le clergé chargea l'abbé Le Boutillier de surveiller, avec les évêques de Vence et de Montpellier, une édition grecque de Zèbre, ou, selon d'autres, de Sozomène et de Socrate. Il fut complimenté sur sa nomination de premier aumônier du duc d'Orléans. Il signa le formulaire, car il ne cessait de suivre les doctrines de Bossuet en différant de sa conduite. Comme parlementaire, il était fidèle à la cour. Des disputes s'élevèrent. Rancé s'opposa à diverses propositions. Il montrait une grande entente des affaires. Il déplut. On l'avertit de se retirer, ses jours ne paraissant pas en sûreté à ses amis. L'avis était faux. Mazarin ne faisait assassiner personne. L'abbé Le Boutillier, après être allé remercier Gaston à Blois, se retira à Véretz. Il y continua ses joyeux passe-temps. Peu après arriva l'accident qui changea sa vie. Il y a un silence qui plaît dans toutes ces affaires, aujourd'hui si complètement ignorées. Elles vous reportent dans le passé. Quand vous remueriez ces souvenirs qui s'en vont en poussière, qu'en retireriez-vous, sinon une nouvelle preuve du néant de l'homme ? Ce sont des jeux finis que des fantômes retracent dans les cimetières avant la première heure du jour. Fin du livre premier.